Tu peux être trahi pour ton talent, manda F.A. baby. Ce qui ne tue pas laisse des séquelles, demande aux femmes violées. La vie ne tient qu'un coup de feu, demande aux mecs au Kekra. Le sida tient qu'un coup de queue, demande aux mecs au Chekra. L'État peut venir prendre ton appart, demande aux mauvais payeurs. Tu peux tout perdre sur un coup de carte, mauvais player. T'as plus d'amis, tu parles seul, en finir schizo. Tout est une question de teint, demande à la juge au physio. Tu peux trouver le temps long, demande aux mecs au dépôt. C'est dur de tester banlieue sale, demande au mec à l'hosto. J't'autorise à me parler de paix une fois que j'ai charge en vide. Va savoir qui est ton père, là j'm'adresse au fils de. Dans l'amitié, y'a des choses impardonnables, j'l'ai dit. Wallin muslimite, wallin muslimat, baby. Y'a que Néo et Trinity qui croient que les balles débile. 93, gaze en finir débile. Dans l'amitié, y'a des choses impardonnables, j'l'ai dit. Wallin muslimite, wallin muslimat, baby. Y'a que Néo et Trinity qui croient que les balles débile. Y'a que quand tu rentres dans les charts que ces bâtards t'estiment. Tout est une question de minutes, demande aux jokers sur bande touche. Pour faire des sacs, attendre la nuit, demande à tous mes galouches. Les lignes blanches sont pas les mêmes, de la rue au Nadal. Chargeur vite, t'es dans la merde, demande aux mecs rigler les balles. Tester 9-3, c'est suicidaire, certains ont changé de pays. Tous mes gars ont trahi, faut pas que mon quartier faiblisse. Tu peux te manger une balle gratuite, demande aux mecs qui m'escortent. Toute la vie tu seras en fuite, demande aux mecs qui escroquent. Ma rue ici t'attire la haine, comme Messi au Barça. Bélec à l'ADN, pour mes gars au Carpla. Demanderai pas conseil aux grands, s'ils ont fini bourrés. Une fois encerclé par les stars, j'dirais que j'suis mal entouré. Dans l'amitié, y'a des choses impardonnables, j'l'ai dit. Wallin muslimite, wallin muslimat, baby. Y'a que Néo et Trinity qui croient que les balles débile. 93, gaze à en finir débile. Dans l'amitié, y'a des choses impardonnables, j'l'ai dit. Wallin muslimite, wallin muslimat, baby. Y'a que Néo et Trinity qui croient que les balles débile. Y'a que quand tu rentres dans les charts que ces bâtards t'estiment. Viens pas tester pour le sale, nous on sait que t'es pas cap. Symphonie des chargeurs, drive-by sur la A4.